émission autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Que pourriez-vous faire pour sortir de votre routine? Vous allez de suite le savoir, je suis actuellement au téléphone avec Laurence. Laurence, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Laura, je vais très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Oui, bien sûr, je suis Laurence et je travaille à l'office de tourisme de Remiremont-Plombières depuis 27 ans désormais. Et j'ai en charge la promotion touristique du territoire, c'est-à-dire la mise en valeur de ces 10 communes qui font partie de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales. Alors je voulais vous poser une question, pourquoi les villes de Remiremont et Plombières sont associées pour l'office du tourisme? Alors en fait, depuis la loi NOTRe, au 1er janvier 2017, l'office de tourisme de Remiremont et l'office de tourisme des Vosges méridionales qui rassemblait Plombières, Val d'Ajol et Girmont-Val d'Ajol ont été regroupés puisque cette loi imposait donc un regroupement des structures touristiques au niveau national. Vous organisez des rencarts de l'été, c'est quoi ? Alors nous organisons des sorties rencarts de l'été à partir du 1er juin et jusqu'au 30 septembre. En fait, ce sont des rencontres et des découvertes à vivre avec nos partenaires, nos prestataires, que ce soit des visites guidées, des activités de plein air, des dégustations, des ateliers, mais également beaucoup d'autres sorties de type nature, gastronomie, patrimoine, savoir-faire. Depuis quand est-ce que vous en organisez ? Alors en fait, on a toujours organisé des visites avec nos prestataires sur notre territoire à destination des touristes et durant l'été, je vous dis ça, donc ça fait une bonne vingtaine, voire une trentaine d'années. Ah oui, quand même. Oui, cette année, le programme est particulièrement riche avec beaucoup de visites. Et c'est vrai qu'avec le Covid, les années 2020 et 2021 avaient été un petit peu mises de côté. On avait peu de rendez-vous, je dois l'avouer. Ah, c'est vrai que ce coronavirus a fait beaucoup de dégâts. Au niveau culturel, tout ça, c'était assez compliqué. Quel genre d'intervenants vous avez contacté pour les événements que vous organisez? Donc, nous avons contacté tout type d'intervenants qui fait partie donc des 10 communes de la communauté de communes des Portes des Vosges méridionales. Donc ça va de Dommartin, Éloie, Girmont, Saint-Amé, Saint-Étienne, Saint-Nabord-Vecoux, mais surtout également les 4 villes phares que sont Remiremont, Plombières-les-Bains et le Val d'Ajol. Ce sont des prestataires aussi bien qui organisent des visites guidées, des visites de leurs fermes, des fermes puisque nous en avons de nombreuses sur le patrimoine, mais aussi des guides de montagne, de moyenne montagne. Il y a des ateliers et de nombreux artisans. Avec beaucoup d'artisanat d'art, vous devez donc le savoir, sur la commune de Plombières-les-Bains. Je suis d'Éloie en plus. D'accord, donc vous faites partie de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales. Comment est-ce que vous contactez les différents intervenants? Nous les contactons dès l'instant que ces intervenants ont une activité touristique et qu'ils souhaitent ouvrir leurs portes au public, aux touristes et également quand ils sont donc partenaires de notre office de tourisme et que nous travaillons donc conjointement dans une vraie stratégie touristique. Est-ce que l'un d'entre eux vous a déjà contacté pour participer à l'un de vos événements? Oui, bien sûr, nous avons des participants qui viennent d'eux-mêmes pour pouvoir participer à ce programme, pour une meilleure promotion de leur activité, pour se faire connaître, bien évidemment. C'est un bon vecteur. Quel genre d'événement vous organisez pour voir un verrier dans son atelier? Tout simplement, il nous fixe un jour avec un horaire plus ou moins fixe. Donc toutes les semaines, il ouvre ses portes et il réserve 1 à 2 heures de son créneau pour faire des démonstrations au public et également donc pour expliquer son activité, sa passion, etc. Combien de temps il vous faut pour mettre ce genre d'événement en place? Alors pour un programme comme cet été 2022, il a fallu plusieurs mois à mes collègues en charge de la commercialisation et de l'accueil pour contacter tous nos prestataires et pouvoir établir un planning qui soit des plus complets puisqu'il couvre 3 mois du 1er juin au 30 septembre. Pourquoi est-ce que vous organisez ce genre d'événement? Nous mettons en place ce genre de visite parce que nous sommes animateurs du territoire. Donc nous avons besoin d'avoir une énergie pour mettre en place et faire briller le tourisme et bien sûr nos prestataires touristiques et mettre en valeur leur activité. Est-ce que ça peut permettre à un artisan de se faire connaître par exemple ? Oui, c'est le but, de faire connaître tous nos prestataires touristiques par le biais donc des rencarts de l'été qui sont relayés sur nos réseaux sociaux, puisque nous avons bien sûr la brochure qui est sortie fin mai, mais nous avons aussi nos réseaux sociaux avec Facebook, Instagram qui relaye toutes les semaines donc le programme à venir. Est-ce que ce genre d'événement peut mettre en avant notre patrimoine vosgien ? Bien sûr, tout est mis en avant au niveau sortie du patrimoine. Nous avons bien sûr les visites guidées de Remiremont toutes les semaines, les visites également de Plombières-les-Bains. Au niveau du patrimoine, il y a tout ce qui concerne, on l'a dit, les artisans, artisanat d'art. Il y a bien sûr le fort du Parmont, hein, puisqu'ils ont des visites récurrentes tous les mardis et dimanches. Saint-Nabor et Dommartin ne sont également pas en reste avec leur maison du patrimoine, ouverte également en été. Est-ce que les rencarts de l'été, ça fonctionne bien au niveau du public ? Est-ce que vous avez beaucoup de visites ? Ah oui, nous avons toujours des inscrits, alors plus ou moins. Ça peut aller de quelques inscrits, auquel cas il faut quelquefois un minimum pour pouvoir maintenir la visite. Mais on a eu plus de 50 et quelques personnes à une sortie nature au Germont-Val d'Ajol, l'observation des étoiles la semaine dernière. Ah, ça doit être super ça. Oui, c'était une nouveauté, un beau rendez-vous qui a très bien fonctionné. Est-ce que vous avez des intervenants que vous recontactez de temps en temps ? En fait, nous recontactons tous les intervenants dès l'instant que leur activité touristique met en valeur le territoire et bien sûr qu'ils sont à même d'accueillir du public. Est-ce qu'il y a des événements rencarts de l'été prévus avant la rentrée ? Oui, puisqu'il y a encore des rendez-vous durant tout le mois de septembre, donc ça continue parce que nous avons encore des touristes étrangers qui viennent en septembre et puis aussi pour nos locaux, parce qu'il faut bien le dire, on a également des personnes du département et autour qui s'inscrivent. Alors, quel genre d'événement il y aura ? Alors, pour la semaine à venir, on a demain la visite de la brasserie La Valeureuse au Val d'Ajol à 10h30. On a une sortie sylvothérapie découverte de la forêt de Remiremont de 16h à 18h. Un atelier relaxation et gestion de la respiration de 17h à 18h30 à Plombières-les-Bains, suivi d'un atelier yoga et méditation de 19h à 20h30. Vendredi 26 août, il y a l'atelier faune et flore pour les enfants avec la découverte de notre ruche pédagogique. C'est une animation de l'office de tourisme à la maison de la randonnée du Val d'Ajol avec notre animatrice nature de 10h à 11h30. Puis l'après-midi, la visite de la brasserie Marie-Thérèse à Remiremont de 14h à 16h. Samedi 27 août, la brasserie Marie-Thérèse de Remiremont est ouverte de 10h à 12h au public et de 14h à 17h. Et la visite de la miellerie Stella à Plombières-les-Bains, elle, a lieu de 15h à 16h30 avec dégustation. Et puis pour terminer, dimanche 28 août, c'est la visite guidée du fort du Parmont de Remiremont à 14h30 et également à 16h. Voilà, il y a toujours deux horaires pour les visites du dimanche après-midi. Ah super, il y a de quoi faire pour tous ceux qui s'ennuient. Je vous invite à venir vous voir. Oui, à venir chercher le calendrier donc des rencarts de l'été ou alors à le découvrir sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Alors vous avez des événements signatures, c'est quoi ? Alors, nos événements signatures, ce sont des événements qui font notre renommée, qui se renouvellent depuis de nombreuses années, qui font partie de notre patrimoine et qui sont la foire aux andouilles, qui a lieu tous les troisième week-end de février, le troisième lundi surtout. En mars, c'est le carnaval vénitien de Remiremont. Nous sommes à la 26e édition, nous serons à la 26e édition 2023. Nous avons les marchés nocturnes du terroir au Germont-Val d'Ajol tous les vendredis soirs de 18h à 21h, de fin mai à fin août. En septembre, le rendez-vous de l'Infernal Trail qui a lieu à Saint-Nabor depuis 2009. Et puis, bien sûr, le marché traditionnel de Noël d'antan de Plombières-les-Bains qui, lui, est également à sa 25e édition. Comment on peut vous contacter si, par exemple, un artisan veut se faire connaître et participer à un de vos événements ? Vous pouvez nous contacter sur notre ligne au 03 29 62 29 83. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Est-ce que vous avez un site internet ou est-ce que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux ? Nous sommes bien sûr sur internet à www.tourisme-remiremont-plombières.com. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant la fin de cette interview ? Alors, je voulais vous donner rendez-vous pour pour ce week-end à Remiremont en journée avec le carnaval vénitien qui se tiendra dans le parc Zeller et qui accueillera un marché avec des bijoux, exposition de souvenirs, de poupées, de tissus, puisque je vous l'ai dit, la 26e édition aura lieu donc à Remiremont les 23, 24, 25 et 26 mars 2023, donc un rendez-vous à noter. Et puis aussi ce dimanche 28 août, c'est la traditionnelle foire aux pieds de cochon de Dommartin qui fait son grand retour après 2 ans d'absence. Une grosse organisation de 10h à 19h avec une quarantaine d'exposants, que ce soit des bijoux, de l'art, des produits du terroir. Il y aura une restauration rapide sur place ainsi qu'une buvette, un orgue de barbarie, bref, un marché local, un vide-grenier et de nombreux exposants avec des déballages commerciaux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Laurence ? Avec notre nouvelle direction qui est arrivée exactement il y a un an, en septembre 2021, avec une stratégie de développement touristique qui est en route, un nouveau schéma touristique que nous mettons justement en place, donc un nouveau cap pour notre destination touristique avec l'ambition de gagner surtout en notoriété, en visibilité. Ça a créé bien sûr l'arrivée de cette nouvelle directrice, une nouvelle énergie au sein de l'équipe de l'Office de tourisme. Et donc on a de nombreux défis à relever pour une conquête de la clientèle touristique. Et pour nous, ça se passe plutôt bien puisque notre territoire des Vosges secrètes est bien placé grâce à sa nature, à sa situation en moyenne montagne, loin de la frénésie des stations un petit peu plus fréquentées des Vosges. Alors il est maintenant le temps de se quitter. Laurence, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Laura. J'espère que vous aurez de nombreuses visites à vos futurs événements et que notre patrimoine vosgien continuera d'être mis en valeur. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.